Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. 30 octobre, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant avec des Saguenay de Chicoutimi qui ont eu une fiche de 500 au cours du week-end. D'abord, les Saguenay qui ont gagné 2-1 en fusillade hier contre les Drummondville. C'est Félix-Antoine Marcotti qui a marqué le but. Et samedi, les Sags ont perdu 8-2 contre l'Armada de Blainville-Beaubriand. Deux filets pour German Rootsoff. Les Huskies de Rouyn-Noranda étaient dans les Maritimes au cours du week-end. Et ils ont gagné 1-0 contre les Titans de Caddy Batters. Ils ont perdu 2-0 contre les Islanders de Charlottetown. Et ils ont gagné 5-4 contre les Islanders de St. John. Le Drakkar de Bécomo a défait en KE les Cataractes de Shawinigan 4-3. Une passe de Jean-Simon Bélanger. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis ont perdu 6-4 contre Rivière-du-Loup. Dans le match, notons deux buts de James Desmarais. Ligue senior du Lac au Fleuve, le CGR Express de Jonquière a gagné contre Charlevoix 4-2. Deux buts pour Michael Quérillon et un but de passe pour Simon Gervais. Ligue junior régionale, ça va de mal en pis pour les Sables de Robertval. Deux autres défaites au cours du week-end. Ils ont perdu 4-0 contre les Saguenay de Chicoutimi et 8-5 contre les Marquis de Jonquière. Dans le match, François Perron a marqué deux buts et amassé une passe. Il y a Vincent Villeneuve également qui a marqué deux buts et Jesse Saint-Pierre qui a marqué un but, une passe. Du côté des Éperviers de Normandin, ils ont perdu 4-3 contre les Aiglons d'Alma. Du côté Midget, maintenant, les Castors de Lebeau ont gagné 3-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Deux filets dans le match hier soir pour Philippe Pelchat et un but pour Philippe Leroyer. Et les Orioles de Jonquière ont gagné 7-5 contre les Castors de Lebeau. Deux filets pour Philippe Leroyer dans le match. Olivier Dubé, un but, une passe. Et Donovan Dion a marqué un but. Quatre passes pour Philippe Pelchat et trois passes chacun pour Zachary Baudette-Grimard. Maintenant, du côté du Marcos Pub de Saint-Félicien, ils ont gagné 4-1 contre les Marquis de Jonquière. Dans le match, Marc-Antoine Niquette a enfilé deux buts. Et notons qu'Alexis Bredette a également enfilé un autre filet. Et vendredi, autre gain du Marcos Pub, cette fois 4-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Dans le match, Guillaume Tremblay et Simon Petitguet ont marqué chacun deux buts. Dans le bantam, maintenant, les Rapides de Lebeau-Mistassini ont perdu 6-5 contre les Saguenay de Chicoutimi. Au football scolaire, maintenant, les victoires des Gaillards de Jonquière 42-13 sur les Cougars de Chicoutimi. Dans le match, il faut noter l'excellente performance de Jordan Fortin, qui est un porteur de ballon de Lebeau-Mistassini. Il a amassé 172 verges, dont un touché. Et je termine avec du tennis. Après un an d'absence, quatre ans d'absence, plutôt, la Hongroise Greta Hahn a gagné en 2-7 contre Bian Schouf de 6-1-6-2. Ça se passait au Challenge Banque Nationale à Ville-Saguenay. Le sport local et régional, à dansradiosport.com. On s'en occupe.